Moi, esclave de toi, l'âme qui entre sort encore de moi. Ce soir tu n'es pas là, j'ai faim dans toute ta folie pour moi. Mystère, condamnation de mon plaisir.